à toi, franchement, me dépasse. J'aime ton corps qui se déplace et qui m'enlace, en marquant le mien de mille traces. Vivre la honte d'un désir trop fort, plié sous le plaisir, sous les efforts. Rejoindre l'ultime dérive des sensations et tendre notre enfer vers l'implosion. Remercier d'être mon ange.